comment check la vie, pis c'est pas si pire que ça. On est loin du paradis, mais c'est pas si pire que ça. Comparé à d'autres pays, pis c'est pas si pire que ça. Déjà on a la vie, fait que fais-en pas un cas. Pour des gens, c'est jamais correct, y'a toujours des plaintes. Avec une voix de craie, les gens crient, qui ont la crainte. On m'écrit le cœur, est ancré dans le crasse. Comme un sac corbeau noir qui picote du carcasse. Hey big, on n'a pas le choix depuis longtemps. Ça a toujours été depuis que le monde est monde, on s'est fait inonder. Ben oui, y'a de la saleté, je sais que c'est mal. Je sais que c'est pas facile, mais hey, c'est normal. Fais juste lever les yeux, pis c'est pas si pire que ça. Moi, je suis content de la vie, fait que je changerai pas ça. Fait qu'au lieu de t'apitoyer, commence donc à nettoyer. Commence à tout donner, pis tu vas voir que c'est clé. Apprends de ce que t'as vu, pis délai ta façon. C'est avec le temps qu'on apprend, pis qu'on prend des décisions. Sinon, tu pètes long, on veut pas, je mets boiteux. On veut pour le mieux, ça sert à rien d'être lambineux. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Comme Slim Shady, so please stand up, get up. Sofa, c'est trop soft pour ton bot. Chaque matin, un nouveau snooze. So wake up, wake up. Exception, chaque jour je suis dans le boss, je rêve du bye bye boss. Mais je suis sûrement pas le seul, tout le monde doit le vivre. Fait qu'on check New York, dans mes oreilles ça l'agresse, c'est rempli de critiques. Ça part de la politique, pis y'a des sous ma musique. Si tu veux mon opinion, t'en fais donc de qu'est-ce que t'as. Parce que jour ou l'autre, tu vas manquer tout ça. Y'en a pas de problème, parce que tant que j'ai mon fun, y'en a pas de problème. Je bâche mon microphone, y'en a qui sont pros pour trouver les petites bébites. Ces gens-là passent à côté de la trappe beaucoup trop vite. Quand je pense qu'ailleurs, pour le ghetto, y'a pas de bloc, pas de cash, pas d'hydro pour faire jouer mon hip-hop. Pis quand je check ma vie, je me sens cheap de rire. Je manque de rien, pis je demande avant de mourir. Fait qu'à faire du compte, c'est pas si pire que ça. Faut pas avoir honte. C'est pas si pire que ça, j'suis content de ma vie. C'est pas si pire que ça, pis c'est le Québec. C'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Si y'en a trop de problèmes, puis tu le vois si pire que ça. Prêt à foncer dedans, ou est celui qui baisse les bras. La question c'est bon, c'est peut-être celui qui baisse le gars. Pour se défoncer au crack, c'est grâce à ça qu'il lève les bottes. Sa vie, celle qui en a peur, celle qu'on a salie. Celle qui est sortie à 2h du matin pour voir la vie. Qui en est revenue voler, violer, mort d'ennui. Maintenant la seule image de la vie, c'est que la mort s'ensuit. Celui qui voit ses parents devant ses yeux, refuse de mettre le blanc sur un maintenant que c'est Dieu qui a décidé ainsi et que tout le monde pense c'est bleu. Ferme ta gueule, souris, tu crois maintenant que c'est mieux. La vie qui rentre en transe, en face de l'enfance, approchant de ses 100 ans, prend conscience, sa sentence, voit côté le nouveau-né. Se demande à où ce qu'on est, peut pas se douter qu'un jour va être blâmé pour tout ce qu'on fait. Pour celui de bois ou du bon, il se rappelle plus du bon. Celui qui écrivait sa musique, demain il se rappelle plus du son. Enfin, il sait scratcher les genoux à l'eau, il va embarger de coups. Maintenant, adulte rêve de s'enfuir en se faisant craquer le cou. Ceux qui ont des vrais problèmes, c'est ceux qui en parlent moins. On passe toutes des épreuves, donc on chie pour rien. On en prend nos torts pour en sortir plus fort. Pourquoi pas rire de ça, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça. Y'en a pas de problème, c'est pas si pire que ça.